j'ai perdu ma langue et puis j'ai perdu mes clés. Ensuite j'ai perdu le nord, la tête, un soir d'été. J'ai perdu mon adresse et puis j'ai perdu mon âme. J'ai perdu mon chemin. J'ai perdu d'avance, j'ai perdu la guerre. J'ai perdu le sens de l'humour, des affaires. Et puis j'ai perdu la mémoire, j'ai perdu le sourire. Le jour où j'ai perdu mon père, j'ai perdu à la loterie. Oh, viens me retrouver, reviens mon amour, pour 10 te retrouver, je n'ai qu'un ami. Retrouver, je n'ai qu'un amour. Alors j'ai perdu ma jeunesse et puis j'ai perdu confiance. J'ai perdu au poker, j'ai perdu la conscience. J'ai perdu la beauté, le goût, le toucher. J'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mon identité. J'ai perdu la raison, j'ai perdu ma maison. J'ai perdu à tort ou à raison, j'ai perdu mon enfance. Retrouver, je n'ai qu'un.